suis roi de rien, je règne sur le vent. Sur les chemins perdus, sur les sables mouvants. Sur d'anciens châteaux forts et sur des cathédrales englouties. Je suis roi d'un soleil qui se meurt comme il peut. J'ai l'air d'un vieux volcan refroidi peu à peu. Je crois que ma parade à grands coups de cymbales est finie. Je ne suis roi de rien, ma couronne est en bois. Scandaleux, bien sûr, c'est de mauvais aloi. Je ne suis roi de rien, mais je suis roi quand même, car je t'aime. Alors le monde entier peut s'écrouler d'un coup. J'ai le droit d'être pauvre et le droit d'être fou. Esclave et roi, je n'ai pas de problème si tu m'aimes. Je ne suis roi de rien que de mon avenir, qui n'est déjà plus rien qu'un désastre à venir. L'intérieur de moi n'est plus qu'un paysage en délire. Je ne suis roi de rien, je suis comme un enfant qui reconstruit le monde en écoutant le vent. Il ne me reste plus. Un peu.